avec moi, je n'ose pas. Dès que tu es devant moi, je ne respire pas. Quand tu es loin de moi, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que j'attends là? Mais demain je t'invite. Demain je te le dis. Que je t'aime depuis longtemps déjà. Que je rêve de toi et moi. J'arrive pas à bouger plus que ça. Je n'avance pas. Tu es devant moi, je ne souffle pas. Les mots à ton oreille, je m'essouffle pas. Là où tu n'es pas, mais demain je me risque. Je regarderai pas le film quand on sera tout seul au cinéma. Rien jusque toi et j'arrête pas de m'écouter. C'est pas faux de me répéter. Mon discours est tout prêt, mais pas moyen de parler. Je garde ce sourire niais. De mes lèvres, j'en reviens pas. De ce qu'elles viennent de faire, tu ne réponds pas. À l'appel de la chair, qu'est-ce que je crois? Lui donnez-moi de l'air, mais je suis qu'un imbécile. Toi, t'as même dit débile. Comment ai-je